pas déçu. Qui a vu que le paysage naturel n'avait plus comme autrefois la part belle, relief, cours d'eau, climat, végétation s'efface derrière les voies de communication, l'habitat et toutes les activités. En gros, le paysage humanisé. Et sa région, et ensuite élargir son horizon au pays, continent, océan, en vous aidant de la rose des vents. Pour savoir où vous allez, apprenez d'abord, c'est important à vous situer, aussi bien sur un plan que sur le terrain. Et bien qui sait